Mese kap magye kap plase, pare te pwen kay belme. Mese kap magye kap plase, pare te pwen kay belme. Don sa ou fe la pase nan men o, chayi te wava made. Don sa ou fe la pase nan men o, chayi te wava made. Wap travaji pou peye loye, pou depanse tou le jou. Wap travaji pou peye loye, pou depanse tou le jou. Madame pa kontan maman bien boudé, tous les jours. Madame va compter ma bande bien boudée. Ton verre va bien tous les jours. Monsieur Cap Marie Cap Placé, Monsieur Cap Marie Cap Placé, tout ça vous fait la passer dans mer. Charité va pas mander, tout ça vous fait la passer dans mer. Charité va pas mander. Où travaille-tu pour payer loyer? Pour dépenser tous les jours. Où travaille-tu pour payer loyer? Pour dépenser tous les jours. Madame pas content maman bien boudée. Madame pas content, maman bien boudée. On est pas bien tous les jours. Mande, il s'en pantalon. Va marcher sans pantalon. Aïe, m'a pas occupé, m'a pas occupé, belle mémoire. Va marcher sans pantalon. Aïe, m'a pas occupé, m'a pas occupé, belle mémoire. Va marcher sans pantalon. Belle mémoire, vite pour le mettre, non tête chargée. Va marcher sans pantalon. Aïe, m'a pas occupé, m'a pas occupé, belle mémoire. Va marcher sans pantalon. Aïe, m'a pas occupé, m'a pas occupé, belle mémoire. Va marcher sans pantalon. Mato, Imato, Mato, Imato, Aïe, Babo qui paie, Babo qui paie, belle mémoire. Aïe, Babo qui paie, Babo qui paie, belle mémoire. Belle pépite pour le mettre, nos têtes chargées. Aïe, Babo qui paie, Babo qui paie, belle mémoire. La chita nan pot la, la surveye. Ma chou a rentre, ma fè radiografie.